Chapitre 8e. Mrs. Wilmot ne quitta pas Silverton sans prendre affectueusement congé d'Agnès, et quand elle fut repartie, ce ne fut pas sans un grand serrement de cœur que la pauvre enfant se sentit entièrement et pour toujours livrée à l'autorité de Mrs. Barnaby. Il serait difficile de dire combien était poignante l'angoisse que lui causait cette conviction, mais pour le moment, elle était assez vive pour que l'avenir fût dépouillé à ses yeux de toutes les nuances brillantes dont généralement, à l'âge de 16 ans, on aime à le parer. Elle ressentait pourtant un vif sentiment de gratitude envers la personne qui lui ouvrait un foyer. Mais elle sentait aussi, malheureusement, qu'il lui serait bien difficile de payer sa dette par une somme d'affection égale à sa gratitude. Mrs. Wilmot n'avait rien dit à Agnès de la promesse qu'avait donnée sa tante de chercher à la revoir, car elle avait promis le secret à Miss Compton. Et cette dernière, malgré l'impatience réelle qu'elle avait de revoir cette nièce, si intéressante pour elle, persistait toujours dans sa détermination de ne plus se retrouver face à face avec Mrs. Barnaby. Et pourtant, il était écrit qu'elle ne reverrait Agnès que précisément dans les conditions qu'elle désirait si ardemment éviter. Dans l'appréciation si souvent méditée de son revenu et des dépenses qu'elle voulait faire, Mrs. Barnaby en était arrivée à la conclusion qu'elle ne devait pas voyager sans une femme de chambre, mais qu'il fallait engager cette femme de chambre au plus bas prix possible. La nécessité d'ajouter quelqu'un à sa suite ne venait pas pour elle du désir indolent de se faire servir personnellement, n'ayant guère été habituée à cela, mais de la conviction que cette phrase « ma femme de chambre » pouvait lui être fort avantageuse en maintes occasions. Trouver et engager une fille qui eût les dehors d'une femme de chambre de bonne maison et qui ne demanda que de très petits gages était la chose la plus importante qu'il restât à faire avant de quitter Silverton. La première des qualités qu'elle recherchait était d'être grande, afin qu'elle pût faire valoir dans tous leurs avantages quelques-uns des ornements jetés de côté par la veuve comme n'étant pas nécessaires à Agnès. L'autre condition était qu'elle acceptât des gages assez minces. Tout en méditant sur ce sujet, il vint à l'esprit de Mrs. Barnaby que l'une des filles qu'elle avait vues passer en procession pour aller à l'église avec l'école de charité était beaucoup plus grande que les autres et si remarquablement longue et maigre qu'elle se sentit convaincue qu'en l'habillant adroitement, on la ferait très facilement passer pour une femme de chambre de grand genre. Ravie de cette idée, elle appela immédiatement Agnès pour lui dire de venir avec elle à l'école de charité qui était située hors la ville, à peu près à 1 mille de distance sur la route de Compton-Bassett. Quand elle arriva au bâtiment de l'école, ce fut la maîtresse elle-même qui vint répondre à son coup de marteau, lui demandant avec une grande politesse ce qu'elle désirait. « Il faut que j'entre dans votre établissement, Mrs. Sims, avant de pouvoir vous répondre. » Et c'était parfaitement vrai, car Mrs. Barnaby, ne sachant pas le nom de celle dont elle voulait faire sa femme de chambre, n'avait d'autre moyen de désigner elle-même la fille dont les longs membres avaient attiré son attention. Elle n'avait pas plutôt franchi le seuil qu'elle apercevait précisément vis-à-vis d'elle le long et grêle objet de sa recherche qui atteignait un panier à ouvrage sur une armoire élevée. Manœuvre qui, en plaçant la fille sur le fin bout de ses pieds et en l'obligeant à développer la longueur de sa taille jusqu'à ses dernières limites, la présentait aux yeux de Mrs. Barnaby sous l'aspect le plus avantageux. « Voilà la fille dont je voulais vous parler, » dit-elle, en montrant cette forme de lézard vis-à-vis d'elle. « Comment s'appelle-t-elle, Mrs. Sims ?»« Celle-ci, madame, qui descend le panier ?» demanda à son tour Mrs. Sims. « Oui, celle-là, cette grande fille. Comment s'appelle-t-elle »« Betty Jax, madame. »« Jax ?» répéta Mrs. Barnaby, un peu déconcertée. « Jax, ça ne fait pas mon affaire. Je ne pourrais pas l'appeler Jax. Mais quant à cela, je pourrais facilement lui donner un autre nom, certainement. Et que sait-elle faire ?»« Pas grand-chose, madame. On me l'a confiée bien tard. Elle sait lire et un peu repasser. Elle peut faire convenablement un ouvrage ordinaire, si cela lui va. »« Comment, si cela lui va ?»« Mais il faudra bien que ça lui aille quand elle sera en maison, j'imagine. » « Je désire une fille qui puisse coudre quand mon service lui en laissera le loisir. Je crois vraiment que celle-ci me conviendra très bien. »« Pardon, madame, si je prends la liberté, mais... » reprit Mrs. Sims. « Je voudrais vous dire que pour ce qui est du service, celle qui est là-bas, au bout du banc, Sally Wilkins, est une fille soignée, laborieuse, qui vaut 100 fois Betty Jax. »« Comment, cette petite, mais c'est une enfant, Mrs. Sims. Elle a 11 mois de plus que Betty Jax, madame. » Et vaut bien mieux qu'elle, de toute façon. mais je ne pourrai jamais me faire la vue d'une créature aussi petite. L'autre conviendra certainement beaucoup mieux pour ce que j'en veux faire. Approchez, Betty Jax. Voudriez-vous entrer au service d'une dame qui tiendrait à vous voir toujours bien mise et vous emmener avec elle, voyager sur une grande partie du globe ?»« Oh oui, madame !» répliqua la jeune perche avec un sourire qui lui fendait la bouche d'une oreille à l'autre et montrait en même temps un très beau râtelier. « Eh bien donc, Betty Jax, je crois que nous nous conviendrons parfaitement. Mais je ne saurais vous appeler Betty, ni Jax non plus. Rappelez-vous cela. Cela ne vous fera rien que je vous trouve un joli mot qui sonne doucement à l'oreille, n'est-ce pas ?»« Non, madame, » répondit la fille ravie. « Fort bien. Je vous donnerai 3 livres par an comme gage, et vous habillerez avec de bonnes robes dans lesquelles vous vous trouverez autrement belle que vous ne l'avez jamais été. Que dites-vous de cela ?»« Je serai enchanté d'aller chez vous. » « Je vous remercie bien, madame, si papa veut me laisser aller. »« Qui est son père, Mrs. Sims ?»« Joe Jax, le charpentier, madame. »« Il n'est pas probable qu'il s'oppose à ce qu'elle accepte une place comme celle que je lui offre. Qu'en dites-vous »« Je n'en sais absolument rien, madame, » répliqua très gravement la maîtresse d'école. « Pour ma part, je ne réponds pas de Betty. Mais ceci n'est pas mon affaire, et vous feriez mieux de voir son père. Il viendra ici demain matin. » Et si vous voulez bien prendre la peine de revenir vers 1 heure, c'est le moment où il emmène Betty pour le demi-congé du samedi. Vous pouvez être sûr de le voir. Très bien alors, c'est parfait. Nous reviendrons très certainement demain. Toutefois, si le temps est supportable... Bonjour, Mrs. Sims. Songez à ce que je vous ai dit, Betty. Il vous arrive là une fameuse chance. Parlez-en aussi à votre père. Venez, Agnès. Or... Il arriva qu'une demi-heure après le départ de ces dames, Mrs. Compton aussi venait voir Mrs. Sims. Cette dame était une des personnes qu'elle avait sauvées d'une misère cruelle par l'un de ces prêts intelligents qu'elle ne faisait jamais qu'après avoir acquis une connaissance suffisante de la personne malheureuse qu'elle obligeait. De cette façon, elle mettait cette dernière à même de réaliser un bénéfice considérable sans avoir à subir, de son côté, aucune perte d'argent. Rien ne faisait plus plaisir à la vieille dame que de contempler les heureux qu'elle avait faits grâce à cette manière sensée de faire le bien. Et le fermier Wright ne manquait pas de lui offrir une place dans sa carriole toutes les fois que ses affaires le menaient près de l'une des nombreuses chaumières où elle pouvait jouir de cette agréable vue. Cette fois-ci, il l'avait déposée à la porte de l'école, tandis qu'il allait chez un meunier à une petite distance. Mrs. Sims, dont les projets de Mrs. Barnaby avaient quelque peu troublé l'esprit, ne vit pas plus tôt entrer la petite dame qu'elle la conduisit dans son petit parloir particulier, après lui avoir fait traverser la foule des jeunes élèves, les unes occupées à coudre, les autres à épeler. « Quel plaisir de vous voir, Miss Compton, » s'écria-t-elle, « et que n'êtes-vous venue plus tôt ? Savez-vous qui était là tout à l'heure, ni plus ni moins que votre nièce, Mrs. Barnaby ?» Mrs. Compton fronça involontairement les sourcils. Avec cette jeune personne charmante qu'elle a prise avec elle, Miss Willoughby, je crois. Voilà une beauté si jamais il en fut. Que venait-elle faire ici, Mrs. Sims ? Demanda Miss Compton, s'animant tout à coup. Et c'est justement à ce propos que je voudrais vous parler, madame. Mrs. Barnaby est venue ici pour faire de cette mauvaise Betty Jax une femme de chambre qu'elle veut emmener avec elle. Cette fille est absolument incapable, vous savez. Autant emmener mon chat. De plus, c'est une menteuse, Miss Compton. « Ah, je crains bien qu'elle ne me fasse guère honneur. Et pourtant j'ai peur de commettre une méchante action si je me mets en travers du chemin de cette fille en disant tout ce que j'en pense. » Mrs. Sims s'arrêta court. Elle attendait de pied ferme la décision de la petite vieille, qui, tout le temps que la maîtresse d'école avait parlé, n'avait cessé de tenir ses yeux fixés sur elle. Mais voici ce qu'elle répondit. « Pensez-vous que la jeune fille revienne avec elle ?»« Revenir ? Avec qui, madame ? Avec Mrs. Barnaby ?» « Oh non, madame, elle ne viendra pas avec Mrs. Barnaby. Elle va s'en aller chez elle ce soir, comme d'habitude, et reviendra ici demain matin avec son père, pour rencontrer ces dames. »« Mais, Agnès, Miss Willoughby, je veux dire, êtes-vous sûre qu'elle revienne avec sa tante demain ?»« Je ne saurais le dire, madame, mais je pense que oui, car je me rappelle bien que Mrs. Barnaby a dit avec son grand air, « Nous viendrons nous promener par ici demain, pour peu que le temps soit supportable. » Miss Compton était plongée dans une méditation profonde. Miss Sims avait le plus grand espoir d'en retirer quelques fruits, mais une fois encore, elle fut désappointée, car lorsque Miss Compton parla de nouveau, ce fut seulement pour dire « J'ai besoin de voir Agnès Willoughby, Mrs. Sims. Il n'en est aucun de voir Mrs. Barnaby. Croyez-vous pouvoir arranger cela pour moi, si je reviens ici demain ?»« Bien certainement, madame, » répondit Mrs. Sims, à la fois surprise et quelque peu embarrassée. « Bien certainement. Il n'est rien que ma reconnaissance ne me dise de faire pour vous être agréable. Et si vous voulez être assez bonne pour m'indiquer la manière de manœuvrer la chose, je jouerai mon rôle le mieux qu'il me sera possible. » Cette réponse était fort obligeante, mais elle démontrait à Miss Compton qu'elle ne devait compter que sur sa propre imagination pour mettre son projet à exécution. Après avoir réfléchi un moment et regardé le local autour d'elle, elle dit « Je serai ici demain avant l'heure que vous avez indiquée à ces dames, et vous m'introduirez dans cette chambre. Puis, lorsque Mrs. Barnaby sera bien en train de causer avec le père et la fille, vous prendrez Agnès par la main et la conduirez ici en disant, si vous voulez, que vous avez quelque chose à lui montrer, ce qui ne sera que l'exacte vérité. Si, par hasard, Mrs. Barnaby, entendant cela, voulait vous suivre, alors, Mrs. Sims, si vous attachez le moindre prix à mon amitié, vous fermerez la porte à clé. Elle en pensera ce qu'elle voudra. J'aurai soin que sa colère ne puisse pas vous nuire. Oh, mon Dieu, madame, je ne redoute nullement la colère de Mrs. Barnaby. D'ailleurs, il est probable qu'elle ne s'apercevra de rien. Elle se montre si désireuse d'avoir cette fille maladroite, qui a des manières de garçon, cette Betsy Jacks, qu'une fois entrée en conversation à ce sujet avec le père, je ne crois pas qu'elle fasse grande attention à ni à Miss Agnès ni à moi. Mais dans tous les cas, Miss Compton, je ferai en sorte qu'elle ne vienne pas ici. Maintenant, vous voulez avoir la bonté de me dire si vous pensez que ce soit un péché de laisser cette paresseuse coquine partir en voyage avec Mrs. Barnaby ?»« Pas le moindre, Mrs. Sims, » répliqua Miss Compton avec fermeté. « Que la fille s'en tire comme elle pourra. Comptez qu'elle est parfaitement... » Mais là, elle s'arrêta, ajoutant presque aussitôt. « Voyez donc si la carriole du fermier Wright est revenue. » Quelques instants après, l'humble véhicule était à la porte, et quand l'héritière eut grimpé à sa place accoutumée, elle se livra à une méditation si profonde que non seulement toutes les respectueuses tentatives du bon fermier ne purent arriver à la rompre, mais même une heure entière après être revenue chez elle, la méditation était encore assez sérieuse pour qu'elle ne songeât pas à ouvrir son livre, déjà à moitié lu, et qui était de plus un roman de Walter Scott. Les pensées, les projets qui se tournaient, se croisaient dans sa tête, étaient en réalité d'une nature assez importante pour rendre nécessaire d'écarter toute autre préoccupation pour les élaborer. Cette beauté, s'il en fut jamais, cette pauvre Agnès, orpheline de mère, abandonnée par son père, héritière inévitable des terres de Compton, devait-elle, parce que sa vieille tante l'avait trouvée petite et grosse il y avait 2 ans, être livrée au vulgaire patronage de la haïssable Mrs. Barnaby? Le rouge de la honte et du repentir monta à la joue pâle de la vieille fille lorsque cette question se présenta à son esprit, et elle reconnut au fond de son cœur qu'il y avait péché et folie dans le préjugé qui l'avait conduite à se détourner du seul membre de sa famille auquel elle put être utile. Elle se rappela aussi, pendant cette heure d'examen de conscience et de secret reproche, que le père de cet enfant, si maltraité par elle, était un gentilhomme, et que par conséquent les derniers des Compton aurait dû élever cet enfant avec d'autant plus de soin et d'affection que sa naissance le rendait plus digne. Ces pensées ayant été suffisamment élaborées et reconnues justes, il fallait considérer quelle était la conduite qui restait à tenir pour l'avenir, et malgré la singulière réclusion dans laquelle la petite dame avait vécu jusqu'ici, elle était loin d'ignorer que son devoir lui imposerait un changement total dans toutes ses habitudes et sa manière de vivre. Et si elle se décidait à devenir elle-même la seule tutrice et protectrice d'Agnès Willoughby, pourrait-elle le supporter et pouvait-elle se le permettre? Avec son apparence de faiblesse et sa charpente de fer, la petite bossue possédait une grande fermeté de caractère. À la première de ces questions, elle eut bientôt fait de répondre un mental « je le veux » qui valait bien le meilleur des engagements pris devant l'autel. Quant à la solution de la seconde question, elle prit ses livres de compte et examina la colonne des recettes. En plus des revenus de sa ferme, environ 600 livres sterling, l'accumulation des intérêts de ses hypothèques à 3, à 4 et à 5 % formait 755 livres sterling. Total, 1415 livres sterling de rente. Miss Compton ne dépensait pas une obole de ce revenu. Elle n'en avait jamais détourné autre chose que les 350 livres sterling qu'elle avait payées au Wilmot pour l'éducation d'Agnès. Elle vivait entièrement sur les provisions que lui servait sa ferme, n'ayant que du lait pour toute boisson, et le produit de la vente de son miel lui fournissait le petit argent courant qui lui était nécessaire. Aussi ses rentes s'étaient-elles augmentées rapidement. Pourtant, quoiqu'elle n'eût jamais connu la vie du monde élégant que par ses romans, elle se demandait si ses revenus seraient suffisants pour mener un grand train, avoir une voiture, donner à sa nièce les meilleurs professeurs, et la poser enfin comme une fille noble ayant une jolie fortune. Valait-il mieux attendre encore, laisser les intérêts de ses rentes s'accumuler? Quelque chose en elle disait oui, mais aussitôt un sentiment contraire s'élevant, qui pouvait répondre, pensait-elle, que tandis que la fortune irait grossissant, la jeune fille ne prendrait pas un millier de mauvaises manières, d'habitudes communes, qui éteindraient à jamais toutes mes espérances. Non. Il vaut mieux vivre plus modestement et que cela se fasse tout de suite. Seulement alors la pauvre petite vieille put reposer sa tête sur son oreiller. Sa résolution était prise, elle allait adopter la jeune héritière, à la condition toutefois que l'entrevue du lendemain ne lui montrerait pas une ressemblance avec la race des Wessett, qu'il ne lui serait pas possible de supporter. Pour une vieille dame de la campagne, qui, pour tout voyage, n'a jamais été plus loin que la ville principale de son comté, ce plan n'était pas trop mal combiné. Tous les yeux sans préjugé y verront, je suppose, le grand avantage que la lecture assidue et prolongée des romans peut procurer. Il est bien certain que sans cela, Miss Compton n'aurait jamais découvert que 1400 livres sterling de rente n'étaient pas suffisantes pour défrayer ses dépenses et celles de sa jeune nièce. Mais hélas, toute cette sagesse était destinée à se flétrir avant d'éclore. Miss Compton fut exacte à son rendez-vous. Mrs. Barnaby le fut aussi. La belle Agnès ne manqua pas de faire son apparition, et qui plus est, au premier coup d'œil, aucune trace de la vulgarité des Wissett ne vint diminuer l'effet des charmes ravissants de la jeune personne aux yeux prévenus de la vieille dame. Mais tout cela ne servit à rien car les choses se passèrent ainsi qu'il suit. Ce fut Joe Jacks, le charpentier, qui arriva le premier de tous les visiteurs attendus par Mrs. Sims. Le récit que lui avait fait sa fille Betty au sujet de la proposition qu'elle avait reçue lui avait inspiré un extrême désir de la lui voir acceptée, et il était venu un peu avant l'heure, afin de faire entendre honnêtement à Mrs. Sims que si elle ne lui venait pas en aide par quelques bonnes paroles pour le délivrer de cette insupportable Betty, il lui en serait fort mauvais gré. Miss Compton arriva après lui et, traversant tout droit l'école, alla se cacher dans le petit parloir derrière la salle d'études. 10 minutes plus tard environ, la superbe Mrs. Barnaby faisait son entrée avec sa gracieuse compagne. Mrs. Sims était parfaitement capable de mener à bien la petite intrigue qu'on lui avait confiée. Elle attendit très tranquillement jusqu'au moment où elle vit Mrs. Barnaby complètement absorbée par la peine qu'elle se donnait pour faire comprendre au charpentier que si elle s'engageait à fournir à sa fille souliers, chemises et jupons de flanelle, sans compter le reste de l'élégante toilette qu'elle lui promettait, ses gages ne pouvaient monter plus haut que 2 livres par an. Ce fut alors que Mrs. Sims, posant doucement sa main sur le bras d'Agnès, l'emmena sans éprouver de résistance. Un instant après, elle était en présence de Miss Compton. La jeune fille reconnut sa tante immédiatement, car cette dernière avait fait une impression sur elle qui s'était gravée profondément dans sa mémoire, aussi bien à une époque par sa bonté que par la capricieuse absence de cette même bonté à une autre. Mais l'effet qu'elle-même produisit sur la vieille dame fut tout différent. Non seulement il ne lui était pas possible de reconnaître dans la personne qui était devant elle la nièce de son souvenir, ou pour mieux dire, de son imagination, mais encore, elle resta un moment sans pouvoir croire à son identité. « Vous ne prétendez pas me faire croire, Mrs. Sims, que cette jeune personne soit Agnès Willoughby, » dit-elle en se levant toute tremblante d'émotion. « Mon Dieu, si, Miss Compton, sûrement c'est elle. »« Ne me reconnaissez-vous pas, ma chère tante ?» dit Agnès, s'approchant d'elle et lui tendant timidement la main. « Votre tante ? Suis-je réellement votre tante ? Est-ce bien possible que vous soyez la petite fille de mon pauvre frère ?»« Je suis Agnès Willoughby, » répliqua la jeune fille tout embarrassée et presque effrayée par les doutes et l'émotion dont elle était témoin. « Si vous l'êtes, » s'écria Miss Compton, la prenant tout d'un coup dans ses bras, « je suis bien plus coupable que je n'aurais jamais cru l'être. » À ce moment, lorsque les bras de la petite vieille fille enlaçaient encore la personne d'Agnès, qui venait de décréter à part soi que sa grand-tante était la personne la plus incompréhensible du monde, la porte du petit salon s'ouvrit avec fracas, et l'éclatante personne de la veuve Barnaby fit irruption dans la chambre. Ses yeux et son rouge étaient aussi brillants que jamais. Son bonnet de veuve même et ses draperies de deuil n'arrivaient pas, comme on eût été en droit de s'y attendre, à éteindre ces particularités adhérentes au physique des Wissett, éternel sujet de haine pour Miss Compton. Jamais Mrs. Barnaby n'avait paru plus haïssable. Cette manière d'agir à son insu, qui lui avait été adroitement signalée par la fine Betty Jacks, avait exaspéré ses façons habituelles de virago en excitant son indignation. « Ah ah ! Vous croyez que je ne vous découvrirai pas, j'imagine ? » s'écria-t-elle en refermant la porte derrière elle. « Oh Dieu ! Donne-moi la patience !» dit la recluse irritée, tout en se dégageant de l'embrassement d'Agnès. « Ceci est une étrange persécution, Mrs. Barnaby. » Et tout en parlant, elle s'efforçait d'effectuer sa retraite. Mais c'était chose impossible en suivant une ligne droite. Il fallait au contraire décrire une courbe considérable pour pouvoir braver en sûreté la tempête qui grondait à chacun des côtés de la démonstrative veuve. Et avant que Miss Compton eût pu atteindre la porte, Mrs. Barnaby s'était établie devant, de façon à empêcher toute sortie sans sa permission. Il fut un temps où l'espoir d'attraper quelque chose de la petite bossue eût donné à Mrs. Barnaby la force de réprimer les sentiments qu'elle lui inspirait. Mais ce temps n'était plus. Elle pensait que son tour était venu. Elle considérait ses revenus et sa position comme tellement supérieurs à ceux de cette petite vieille habillée de gris, qui tremblait devant elle, que son orgueil ne lui eût jamais pardonné son avarice, si ce n'était, grâce à cette même avarice, qu'elle trouvait l'occasion de déverser sur la pauvre contrefaite un peu de ce dédain, un peu de ces mépris, qu'elle-même, Mrs. Barnaby, avait si souvent reçu autrefois de la tante Betsy. « Sur ma parole, Miss Compton, commença-t-elle, je m'étonne vraiment que vous ne rougissiez pas de venir rendre visite à une personne aussi vulgaire que cette Mrs. Sims, quand vous refusez la société de vos propres parentes qui vous feraient honneur. Qu'est-ce que ma nièce, Mrs. Willoughby, va penser en voyant la sœur de son grand-père porter une robe de stoff aussi horrible, aussi commune, aussi minable que celle que vous avez là ? Nous savons tous que vous avez été ramasser tous les mendiants pour leur épargner le peu de bien que vous aviez uniquement parce que cela flattait votre vanité. Mais ce n'est pas une raison pour agir à mon égard comme vous le faites. Et si vous vous étiez conduite convenablement avec moi, mon excellent mari m'a laissé dans une aisance assez belle pour que je puisse me permettre de vous faire la charité de quelques-unes de mes robes. » Si Miss Compton avait eu assez de souffle pour pouvoir articuler un mot, cette harangue aurait probablement été arrêtée court. Mais l'étonnement et l'indignation l'avaient presque suffoquée. Au lieu de parler, elle restait là, sans bouger, le cœur palpitant, quand Agnès, aussi saisie que terrifiée, lui avança une chaise en l'invitant à s'asseoir. L'unique réponse de Miss Compton fut de repousser rudement Agnès ainsi que sa chaise, en s'écriant comme par un effort désespéré « Femme, laissez-moi passer !»« Oh, certainement, vous pouvez passer, et grand bien vous fasse !» dit Mrs. Barnaby en se mettant de côté. Vous êtes conduite avec moi, depuis le premier moment jusqu'au dernier, bien plus comme une ennemie que comme une tante, et je n'aurai certes pas le cœur brisé, si désormais mes yeux ne se reposent plus sur vous. Venez, Agnès, venez, mon amour. J'ai terminé ce que j'avais à faire dans cet endroit qui sent le moisi. Allons-nous-en. Ne restez pas là, à la cajoler. Je vous promets que ce sera en vain. Vous n'y gagneriez rien, ma chère. » Affligée outre mesure par cette pénible scène, et ne s'expliquant pas bien le violent sentiment qui l'a poussée à se serrer du côté de Miss Compton, Agnès restait timidement indécise, quand la voix autoritaire de Mrs. Barnaby redit encore « Venez, ma chère Agnès, j'ai hâte de vous affranchir de ce que je regarde comme la rencontre la plus désagréable. » Alors, se trouvant placée dans la douloureuse alternative de devoir prendre congé de la plus âgée de ses parentes ou de la quitter sans en rien faire, Agnès se retourna du côté de Miss Compton, se pencha silencieusement vers elle et lui offrit sa joue à baiser. Mais la vieille dame en colère se retira vivement en disant « Pas de ça, s'il vous plaît. Point de cajolerie. Vous êtes son cher amour, sa chère Agnès. Jamais une personne qui vit dans de tels rapports avec elle ne me sera de rien. » Ainsi disant, elle passa devant Mrs. Barnaby, qui ricanait, et sortit de la maison, préférant courir la chance de s'exténuer à faire 2 milles pour atteindre sa demeure, plutôt que d'endurer le supplice de rester un moment de plus sous le même toit que sa nièce.